m'appelle Eliem. J'suis marié à la rue. Ce que j'aime, c'est le shit, l'alcool et le cul. Ouais, ouais, c'est pour mes frères de la rue, de la rue, de la rue. Le pont de Sèvres. Mauvaise langue. Ouais, le nom de mon gang. Ouais, ouais, Boulogne business. C'est ça la vie, frère. Les putes sucent des bites. Ouais. Pourtant c'est péché. Dans ma supplicite, on ne fait que tricher. Et à l'école, c'est racket dans les WC. Alcool, shit, viol, excès. De cette violence qui nous possède. Là où j'habite, les frères bandent quand t'as flippé tes scènes. C'est pour ma délinquance, ma culture des scènes. Braqueur en YZ. Ok, on est tous dans le même sac. Tous illicites, tous enculeurs de bac. Donc je récite ma vie de psychopathe. Écrite dans ce hall, rabat, tu picoles, ma chatte, ça sent toujours la patate. La même merde, tu vois ce que je veux dire, frérot. Donc j'en place une pour ceux qui foutent la merde au stupo. Useur de couteau pour saigner ce sport. Ciné qui comme aussi l'espoir pour un flic hardcore. Tirer une grosse taf sur ce gros joint. Comme ce gosse qui taffe, mais pas dans le droit chemin. Histoire de planer, même si j'ai déjà le cerveau fané. Condamné, je viens pour gagner. Les flics racistes, les curés pédophiles, les jurés, les nécrophiles. Pour ensuite me faufiler sous les mailles du filet de ce proc que je foque en tant qu'aïe good luck. Si tu viens de te faire soulever, sous net, c'est vrai, c'est naze la nuit en GAV. Eh ouais, c'est violent comme le GIA. Violent comme un alcoolique au volant, comme Mahia. Mais d'une danger. Elle y aime par semaine, je nique plus de sanger. Viscère les blancs et les étrangers. Prends, faut de la maille, car il faut manger. Les putes sucent des bites, ouais. Pourtant c'est péché. Dans ma supplicite, on fait tricher. Et à l'école, c'est racket dans les WC. Alcool, shit, viol, excès. De cette violence qui nous possède. Là où j'habite, les frères bandent quand t'as flippé tes scènes. C'est pour ma délinquance, ma culture des scènes. Braqueur en YZ. Dealer en roller blade, acteur de véritable thriller où les bons sont tous dead. Red, j'sors ma hit, ma Burlington. Car pour moi c'est capital comme Washington. Obligé de pétave, des tonnes de bédos. Pour oublier ce monde de pédé qui chlin comme un clodo. Enferme les clans d'eau, au nom de mon clan rôle. J'balance à lyrics illicites comme toutes ces cocos. Importés par ces juristes, histoire de financer leur nouvelle liste électorale. 1, j'nique la politique par la voix buccale. 2, anal 3, original. J'débarque armé avec un taux de THC affolant. Dans mon ghetto brigand, la vie c'est violent. C'est alcool, argent sale, garde à vue. Bute ce flic animal car il a trop bu. Nique sa mère la réinsertion. Nique sa mère. Nique sa mère. Nique sa mère la réinsertion. Les putes sucent des bites, ouais. Pourtant c'est péché. Dans ma supplicite, on fait tricher. Et à l'école, c'est racket dans les WC. Alcool, shit, viol, excès. De cette violence